Baron Davy looks at. Right. Wesh les frères, bien ou quoi? L'argent se ramassera à l'appel dans le reportage. Mais nous ce qu'on veut c'est se faire la belle. On voudrait partir loin pour fuir nos problèmes. Mais ils nous rattrapent, si on reste j'tard nous matraque. Division en deux parties, Ibis nous plonge dans le Coran. L'appel de la prière nous rappelle qu'il y a le Coran. J'crois en ma chance malgré tous mes échecs. Pourtant je touche du bois à chaque fois que je signe un chèque. On voudrait se caser avec une meuf en or. Mais trop de ces michetonneux sont trop attirés par l'or. Eh eh, j'fais le tour du monde à chaque fois que j'mate la parabole. J'me dis qu'on n'est pas si mal dans notre métropole. Les villes voisines s'entretuent à la perceuse au couteau. Les mères pleurent à la marche silencieuse. Eh eh, c'est pas la jungle, c'est pas une vie de bâtard. C'est juste la quotidienne d'un jeune du Tchekar. Personne n'est les bandits, non non, loin de là. C'est la violence de l'époque qui prend son réflexe animal. On se marche dessus pour sortir de la moi. Je change les vacuums mais ça ne soigne pas mon mal. Personne n'est les bandits, non non, loin de là. C'est la violence de l'époque qui pousse au réflexe animal. On se marche dessus pour sortir de la moi. Je change les vacuums mais ça ne soigne pas mon mal. Le frôlot, tu sais qui je suis? Non, bois c'est Luc, c'est le petit Rabzouz qui défonce les portes pour la manécène. Comme partout ça braille, ça braque, ça brasse, ça rap sec. Tout dans ta caisse, fais gonfler les brasses. On est jeune mais à l'ancienne, alors on kiffe les formal. Moi c'est le rap, eh bah je suis formal. Ça fait des piges, alors il serait temps que ça peine. Insta produit sponsorisé par les frères, les vrais. En s'inspirant de la vie pour trouver la faille. Mais quand y'a pas d'inspire, c'est que t'as pas fait la taille. Pour faire honneur à ceux dont je tiens les traits. Les vrais, ceux qui m'entraînent comme nos thèmes qu'on traite. Cause à effet, quand les putes parlent, veulent test. Grâce à eux, je sors mes meilleurs textes. Madame Accédère, de tant que t'es petite, pute, ne parle pas. La pub qu'ils m'ont fait, je remercie, car c'est mon pare-balle. Personne n'est les bandits, non, non, loin de là. C'est la violence de l'époque qui prend son réflexe animal. On se marche dessus pour sortir de là. Moi, je change, j'évacue, mais ça ne soigne pas mon mal. Personne n'est les bandits, non, non, loin de là. C'est la violence de l'époque qui prend son réflexe animal. On se marche dessus pour sortir de là. Moi, je change, j'évacue, mais ça ne soigne pas mon mal. Je chante l'histoire de ma vie, j'écris les yeux cassés. Comme toi des fois je veux tracer des envies de tout caser. Je résiste même si au fond je suis blasé. Ghetto youth, y'a que Dieu et la maladie pour le terrasser. Du mal à vivre honnêtement, à portée de main trop d'argent. Sale concentre-tu ou qu'on monte sur une affaire des outils. On tape un peu dans l'illégal même si on sait que le chétan nous tend la main. Pour mieux s'endormir au pied de nos lits. En musique j'envoie la force, force, force. Depuis l'euro et Sarko l'histoire se corse, corse, corse. Mais les tours de béton, le bitume comme horizon. Nous on veut voir plus loin, on refuse qu'il nous propose. Dans la farine, plus thune, dans la résine. De plus en plus éclatant, s'éclate dans les narines. Combattre la misère en écrasant ceux qui la vivent. Ils croient la baiser mais la douleur s'envenime. Personne n'est les bandits, non non, loin de là. C'est la violence de l'époque qui prend son réflexe animal. On se marche dessus pour sortir de là. Moi je change, j'évacue mais ça ne soigne pas mon mal. Personne n'est les bandits, non non, loin de là. C'est la violence de l'époque qui prend son réflexe animal. On se marche dessus pour sortir de là. Moi je change, j'évacue mais ça ne soigne pas mon mal. Sors-moi pas ton blabla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, b noir, un blanc et deux noirs, issus de nulle part. Inconnu pour certains, c'est certain. Quand j'allume, j'éteins la triade, futuring, 7-7 régiment, calibre 12. Monter, braque les kyriades, trop viril. De finir en péridural, en futuring. Apologie, logique, les cadeaux sont pas tous des bons cogiques. Pas d'aboule, je vais S-less. On demande rien à personne, agresse le beat comme le bitume, on perd de Nike, laisse. Tu brasses et tu oublies qu'ici, point, ça clash, ça flash, des talents flèches. Comme Marouel, certains se fichent d'avoir une fiche chez les keufs, s'affiche, voir c'est la teuf, finir en tête d'affiche. S'allumer, rien de plus fastoche, dans la recharge, un max de cartouches, calibre 12, on s'arrête. Les mecs t'en parlent, pas pour les fils de... Pour des ouf dès que tu leur demandes un feat. Grâce à qui tu es parvenu, mec c'est ta vendu. Sors-moi pas ton blabla, bla, bla, t'es qu'un vendu. Les mecs d'en bas, pas pour les fils de... Qui se prennent pour des ouf dès que tu leur demandes un feat. Grâce à qui tu es parvenu, mec c'est ta vendu. Sors-moi pas ton blabla, bla, bla, t'es qu'un vendu. Tout d'abord, respect aux mecs de la cité. Excité à l'idée d'écouter son pote sur CD. Aux potes qui m'accompagnent quand je vais en studio. Qui pousse le son à fond dès que je à la radio. C'est le rap tous. En featuring avec Ali 12. Et comme Larsen et Blast Vévert, y'a des voix tous. Marche avec honneur, force et foi. Comme le bazané tricard, le flou et la voix. J'reste conscient, même quand la cabine sent le pétard. Respect à ton fab et le 9-3 étendard. Eh gros, sois pas stupide, on est tous incorruptibles. Et comme Farid, ouais, nos textes sont trop subtils. Écoute l'album, c'est une baston, c'est un joker. Demande à Alibi, Endal, MM67. Soldat à la commando, mec, on est trop de speed. Respect à Joey Fix, Wesley, un joueur. Les mecs t'en parlent, pas pour les fils de... Pour des ouf dès que tu leur demandes un feat. Grâce à qui tu es parvenu, mec c'est ta vendu. Sors-moi pas ton blabla, bla, bla, t'es qu'un vendu. Les mecs d'en bas, pas pour les fils de... Qui se prennent pour des ouf dès que tu leur demandes un feat. Grâce à qui tu es parvenu, mec c'est ta vendu. Sors-moi pas ton blabla, bla, bla, t'es qu'un vendu. Du genre tu paieras pour ghetto. Juste un featuring et ça joue les macros. Ça joue les macros. On donne culé. C'est ça. On a grandi tout seul. On va se démerder, tout seul. La triade, calibre 12. On n'est pas des suspects, on marche, c'est juste ceux qui nous ont aidés. C'est ça avec des bonhommes, gros. Hein? Comment ça, tu parles sur moi? Après, tu dis, ouais, Luxen, en studio, fais-moi une dédicace. Je suis qui, moi? Je suis ton suspect. Hein, je vais te faire enculer. Va te faire enculer. Va te faire enculer. Va te faire enculer. Comme les mecs, ils sont là, ils sont même pas vendus. Ils sont bons juste qu'à faire des featuring, des refrains. Tu leur demandes un feat. Ils sont là parce que t'aimes bien ce qu'ils font, ils jouent les stars. Va te faire enculer, va te faire enculer. 2007, hein, c'est la triade, on lâche tout. La triade, hein, on lâche tout. Sale bâtard, t'as vendu qu'un album, t'as fait qu'une vente. Oublie pas d'où tu viens, tu viens du même endroit que nous, hein. Va te faire enculer. Va te faire enculer. Tu viens du 7-7.